silence. Ma vie soit une fleur, un parfum pour ton Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repose, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repose, fais de moi ce que tu voudras. L'argile devant les beautés, donne-moi la femme qui te plaît. Fais tout ce temps, je serai tout confiant. Seigneur, je te prévois, garde-moi auprès de ta croix. Alors bonjour la France dans la sainteté, bonjour. Bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Amen. Amen. Ça crie chez la sœur Kelly, ça crie chez la sœur Kelly. La sœur Kelly, coupe ton micro, ça crie chez toi. Il y a une résonance chez toi. Shalom, bonjour la sœur Paul Gertrude, bonjour. Bonjour. Que la grâce et la paix de notre Seigneur vous soient multipliées. Amen. Amen. La sœur Nafissa, bonjour. Bonjour, shalom. Du côté de Bordeaux. Amen. Voilà. Bonjour à la sœur Kelly. Le frère Stéphane Lénou de Lyon, bonjour. Oui, mais attends, tu es au volant. Est-ce que tu pourras suivre et t'es au volant? 135 euros, ce sera la manne. Le frère Guy Richard, bonjour. Shalom, shalom. Mais on ne vous voit pas. Shalom à tous. Vous ne mettez pas les vidéos, la sœur Ophélie, bonjour. Bonjour mon frère, ça va? Nuage des délices, ce matin, à côté de France. Mettez les vidéos alors, Vous me voyez, n'est-ce pas? Ou bien ma vidéo tourne encore? On ne te voit même pas. Ça arrive. Déjà, vous me connaissez quand même de toutes les façons. Ça arrive. La sœur Kelly, bonjour. Le micro de la sœur Kelly, je crois que ça va avoir des problèmes. La sœur Flora Landreau, bonjour. Bonjour, frère, shalom à tous. C'est du côté de Bordeaux, n'est-ce pas? C'est ça. La sœur Paul, c'est de quel côté de la France? Cormeil, c'est quoi? la sœur Paul, de quel côté de la France? Oui, c'est Saint-Martin des Champs, en Bretagne. En Bretagne. La sœur Ophélie, c'est à Paris, c'est ça? Non, c'est en Bretagne, c'est à Rennes. Je suis à Rennes, moi. Donc, ça veut dire que tu es plus proche de la sœur Paul, alors? Exactement. Et on voit que votre image, justement, sur l'écran est très, très proche, l'une et l'autre. La sœur Nafi, c'est Bordeaux, n'est-ce pas? Oui, c'est Bordeaux. Il y a résonance. Oui. La sœur Marie-France Sophie, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. C'est du côté, évidemment, à Paris, du côté des rues Davout. C'est ça, n'est-ce pas? Il ne me suis pas trompé. Exact. Tout à fait ça. Nous allons du côté de Villy-Châtillon maintenant. Bonjour au couple Gabou. Bonjour. Villy-Châtillon. La sœur Kelly à la maternité, certainement. La sœur Kelly, coupe ton micro, il y a du bruit chez toi. C'est désagréable pour les autres. Désagréable. C'est les enfants. La sœur Paul, coupe le micro chez toi pour donner le sein à l'enfant. Merci. D'accord. Merci. Que Dieu te bénisse. Comment faire pour couper le sang? Ah, la maman Android. Donc tu regardes l'indice du micro et puis tu cliques sur le micro. Clique sur le micro. Voilà. Mon frère Willy Landro, bonjour. Bonjour. Bonjour. Que la grâce et la paix te soient multipliées. Amen. Alors, tu es du côté de N'Djamena au Tchad, c'est ça, n'est-ce pas, pour l'instant? Mais en temps normal, c'est à Bordeaux. C'est ça. J'ose croire que nos deux connexions du Tchad et du Cameroun ne doivent pas nous décevoir aujourd'hui. Amen. Et comme de façon aléatoire, ta photo est sortie exactement à côté de la photo de ta femme. Ta vidéo et ta femme, et celle de ta femme, elles sont postées côte à côte. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Alors ce matin, le frère Christian Gabo, la sœur Julie Gabo, bonjour, vous n'avez pas parlé. Ok. Si tout le monde est prêt, est-ce qu'on peut aller dans le partage? Mais le frère Stéphane de Lyon en train de rouler, mais il nous écoute quand même, il nous écoute. Quoi qu'il va, quand il sera garé, vous le voyez là, voilà, merci beaucoup, merci, merci. Vous le voyez dans au volant. Mais il ne va pas à l'église ce dimanche. Il n'est pas en train d'aller à l'église. Voilà, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. J'espère que vous avez passé de bons moments avec le Seigneur. Et nous allons en passer encore aujourd'hui. Donc, nous avons convenu que avec la France dans la sainteté, pour ce groupe-ci, nous allons travailler chaque dimanche à partir de 9h, n'est-ce pas? Voilà, et donc là on va échanger pour être meilleur, pour travailler dans la sainteté au fur et à mesure et avancer avec le Seigneur. Et au besoin, prier les uns pour les autres. Si vous avez des cas difficiles, vous soumettez pour qu'on prie, pour qu'on se réunisse, on prie pour que les choses changent. Nous servons un Dieu vivant. Amen. Donc c'est uniquement la France. Et en plus de cela, vous de la France, vous devez savoir que vous formez un corps pour le Seigneur. Chacun ne doit pas être chez lui, braqué dans son mur. Non. Les chrétiens ne doivent pas fonctionner comme ça. Vous devez vous connaître. C'est pour cela que si le Seigneur me donne une mission et que je suis quelque part d'autre, vous devez vous fixer le même rendez-vous. Vous devez continuer à vous exhorter les uns les autres, comme la Bible déclare à Hébreu. On va s'exhorter chaque jour. Chaque jour qu'on entend que le jour n'est pas encore arrivé, on va s'exhorter les uns les autres. Donc, malgré que vous soyez distants l'un à l'autre en France, ces moyens nous rapprochent l'une et l'autre. Vous pouvez vous appeler comme ça en conférence, vous voyez, et vous partager dans la simplicité. Amen. Alors, si vous le voulez bien, on peut prier et on commence maintenant. Chacun prend la Bible, on commence. Je suis désolé, ma caméra est tournée là. Je crois qu'à un moment donné, là, quand la connexion sera stable, ça viendra. Amen. Le frère Guy Richard ne te voit pas. La soeur Ophélie est encore partie. Ah, ok. La soeur Ophélie des nuages de délices. Bon. C'est Facebook nuages de délices et vous appelez sur YouTube nuages de délices. Conseil aux femmes comment garder ses cheveux naturels. C'est elle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Nous allons prier, prions. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment que tu accordes pour nous, réunir. Dieu de gloire, voici la France. Je te laisse soumettre entre tes mains. Que ton nom se soit glorifié. Je prie, Père de gloire, pour ce peuple maintenant et pour tous ceux qui vont se joindre à nous. Je recommande, ô Dieu de gloire, chacun de nos cœurs entre tes mains, que toi, si tu prends contrôle. Notre frère et sa famille qui sont au volant maintenant et qui roulent en t'écoutant, Père de gloire, nous prions, Père, que tu les préserves, que tu les gardes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu connais quelles sont nos difficultés, quels sont nos moments, nos manquements. Nous te les soumettons, Père de gloire, maintenant au nom du Seigneur Jésus. Père, nous nous recommandons entre tes mains. Dirige nos cœurs maintenant. Dirige ce moment pour ta gloire et rends-nous meilleurs qu'auparavant. Que toute la gloire te revienne et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Je suis vraiment désolé que ma vidéo, je ne sais pas ce qui ne va pas, pourquoi ma vidéo tourne comme ça, mais je crois que ça va venir. Ça va venir. Donc, on va se voir d'ici la fin, certainement. Alors, si vous le voulez très bien, on prend un sujet, vivre sain dans un milieu perverti. Vivre sain dans un milieu perverti. Vous m'entendez, n'est-ce pas? Voilà. Prenons les lectures, commençons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 19. Lisons le chapitre 19 de Genèse. Je ne sais pas qui peut bien lire et articuler là. À partir du verset 1. Je dis au nom de Jésus-Christ. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. » « Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans la maison. Il ordonna un festin et fit cuire le pain sans levain, et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, « Mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. J'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les emmène dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Ils dirent, « Retire-toi !» Ils dirent encore, « Celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous le ferons pis jusqu'à eux. » Et pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour pousser la porte. Les deux hommes étendirent la main, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte.

C'est le père de Moabite jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Véritable page sombre de l'histoire de la Bible et de l'histoire du peuple juif naissant. Vous avez vu, vous avez pris en compte ce qui s'y trouve, n'est-ce pas? C'est donc de ces passages et de ces que nous venons de lire que nous allons prendre le sujet de que nous allons travailler aujourd'hui, vivre dans notre milieu, dans notre génération, sans compromission, ou bien vivre au milieu d'une nation perverse, ou bien des comportements, que ce soit dans votre travail, votre entourage, votre nation, sans perversité, sans être contaminé. Maintenant, commençons à résumer l'histoire qui se trouve. Nous nous trouvons à Sodome et à Gomorre. Et Sodome et Gomorre, et Sodome a donné naissance à un nom d'un style de rapport sexuel qu'on a aujourd'hui qu'on appelle la sodomie. La sodomie était pratiquée en ce temps-là, au temps d'Abraham. Au point où, jusqu'à ce que nous vivons, nous sommes en 2017, les gens ont l'expression de Sodome dans les rapports sexuels, c'est-à-dire les styles de rapports sexuels qui se pratiquaient là-bas. La Bible nous fait état que deux hommes sont sortis du ciel venant avec le Seigneur. Dieu, si vous lisez depuis le chapitre 18, Dieu est resté avec Abraham pour causer et lui dit c'est le pourquoi il est venu sur la terre avec ces deux anges-là. Après, le chapitre 19 dit que les deux hommes sont allés à Sodome pour faire sortir le juste, l'autre, de Sodome et Gomorre. Ils arrivent là-bas, écoutez très attentivement, ils arrivent là-bas, ils entrent chez l'autre. La ville était tellement pleine d'abominations et de la soif de découverte de nouvelles sensations au point où quand une nouvelle personne venait dans la ville, c'était la compétition pour qui va coucher en premier avec cette personne-là. C'est-à-dire que dans la ville, on savait très bien quand une personne nouvelle entrait. Donc, ils s'étaient déjà couchés entre eux au point où ils étaient habitués au rapport sexuel avec l'homme, les femmes, les animaux, ainsi de suite, qu'ils souhaitaient avoir une autre expérience nouvelle avec d'autres personnes. Vous voyez cela? Regardez encore le début du chapitre 19, regardez. La Bible déclare, verset 1, « Les deux anges arrivaient à Sodome sur le soir, et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre les vit, il se leva pour aller au devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez le bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans la maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Ils n'étaient pas, regardez, suivez le verset 4. Ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville, les gens de Sodome, entouraient la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Donc même à Sodome, les enfants pratiquaient l'homosexualité. Les grands avaient couché avec les enfants au point où les enfants eux-mêmes pouvaient entreprendre des rapports sexuels. On dit, c'est dans la nuit, le soir qu'ils sont arrivés. Dans la nuit, toute la ville s'est réunie à côté de la maison de l'autre pour pouvoir avoir les rapports sexuels avec les nouveaux venus. C'est terrible comme perversion. Donc, la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, on entend que les prêtres, les pasteurs, les gens, les hommes politiques ont couché avec des enfants. On s'étonne. Dans Luc chapitre 17, le Seigneur a dit à partir du verset 26 en rappelant que ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorre va arriver avant la venue du Fils de l'homme. Et nous sommes en plein là-dedans. Des pères qui couchent avec leurs propres enfants et puis coupent le cou. Des pères qui déchirent le ventre pour avaler le cœur, boire le sang, ainsi de suite. De telles atrocités où on se pose la question, où est-ce qu'on est en train de nous diriger? Pourtant, on est dans une génération vraiment civilisée. On a atteint le niveau de civilisation hors norme depuis que la Terre a été créée. Le développement ne fait que s'accentuer. On est assidu avec les choses. À quelques minutes, la preuve, nous voici. Chacun est dans sa maison, mais nous parlons en nous voyant. Ce qui était impossible il y a cela 20 ans, 22 ans. Alors ça veut dire qu'on est en train de tirer comme ça vers la fin du séjour sur la Terre. Le système de la Terre va bientôt s'arrêter. Le mal est en train de s'accentuer. Nous vivons en plein dans le milieu du mal, au sens propre du terme. Donc la Bible déclare verset 4 qu'ils n'étaient pas encore couchés que les gens de la ville. Les gens de Sodome entouraient la maison depuis les... Regardez bien, soulignez bien, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. C'était... Donc même les enfants étaient vautrés dans ce style de rapport sexuel. Mais qu'est-ce qu'il vient faire chez l'autre? Qu'est-ce qu'il vient faire dans la maison de l'autre? C'est parce qu'entre eux, ils se sont déjà couchés entre eux, ils se connaissent entre eux par rapport à leurs sensations. Ils cherchent donc des partenaires nouvelles pour pouvoir expérimenter ce qu'ils ont. Vous voyez cela? Les désirs pernicieux, les envies pernicieuses dans l'âme, ils voulaient s'accomplir. Et là maintenant, c'est la compétition maintenant du premier qui va coucher avec ces gens-là. Mais ils ne savaient pas que c'était les anges. Des messagers qui sont venus justement pour les détruire à cause de cet acte-là. Cette façon impie de vivre-là. Amen. La Bible déclare que toute la population était accourue. Maintenant, il y a un problème. Nous nous trouvons donc dans ce même contexte où l'autre s'est retrouvé dans ce milieu où il y a l'homosexualité, où il y a le lesbianisme, où il y a la pédophilie, la zoophilie et autres. Il s'est retrouvé dans ce même milieu, dans ce pays. Mais la Bible nous révèle là-bas que l'autre ne pratiquait pas ces choses, pas même plus que ses filles, parce que ses filles étaient restées vierges jusqu'à leur âge. Vous voyez cela? On arrive pour leur cas tout à l'heure, les deux filles, là, à la fin du jeu, à partir de verset 30. Donc nous voyons effectivement que l'autre était dans un milieu, malgré que ce milieu était perverti, il ne vivait pas dans cette perversité. Mais or, il observait, avec le moyen qui lui était donné de cette époque-là, il observait de sa bouche et il entendait les cris et les choses que les gens faisaient. Allons dans le livre de 2 Pierre et découvrons ce qu'on dit de lui là-bas. 2 Pierre. Chapitre 2. Vous y êtes. De Pierre, le chapitre 2. Le frère qui est y est. Oui. Que Dieu te bénisse. De Pierre, chapitre 2. De Pierre, chapitre 2, justement. Lisons à partir. Oui, lisons à partir de. Oui, 6 et 7. Allons-y. Ici a délivré le juste Lot qui souffrait de la conduite infâme de ces abominables, car ce juste qui demeurait parmi eux affligeait chaque jour son âme juste à cause de ce qu'il voyait et apprenait de leur méchante action. Amen. Le Seigneur. Amen. Oui, le Seigneur s'est délivré. Sera délivré de l'épreuve ceux qui l'honorent et gardé au jour du jugement. Amen. Dans le Nouveau Testament nous explique que Lot, on l'appelle dans le Nouveau Testament le juste. Donc on dit qu'il était tourmenté journellement. Chaque jour, à cause de son âme à l'intérieur était tourmentée. Ça suppose que dans ce milieu, il voyait que tout était perverti. Il était dérangé à l'intérieur. Son âme juste était tourmentée à cause de ce qu'il voyait et entendait. Vous êtes en Europe, principalement en France. Et l'esprit qui règne sur votre pays, c'est l'esprit de la prostitution, la sexualité. Donc l'esprit exactement qui était à Sodome se trouve chez vous, principalement. C'est l'entité qui règne sur la France. Alors, vous êtes dans ce milieu, comme l'autre. Est-ce que votre âme est tourmentée par ce que vous voyez et entendez dans votre pays? Est-ce que ces choses-là, vous prenez parti, vous prenez plaisir à entendre cela? Donc, l'autre ne savait pas quoi faire. Il ne pouvait pas arrêter ces choses-là. Dieu ne vous demande pas d'arrêter l'homosexualité. Non, de prêcher à quoi? En France, qu'on arrête l'homosexualité, ça ne s'arrêtera pas. Parce que si vous prêchez qu'on arrête l'homosexualité, vous êtes en train de vouloir contredire Jésus. Parce que Jésus a dit qu'il faut que ça arrive. Il dit que le moment où il va venir, même l'iniquité va s'accroître. Donc, ça va plutôt s'accroître. Donc, n'essayez pas de prier que Seigneur, à l'heure de nous, ça ne s'arrêtera pas. La dose sera encore supérieure. Vous voyez? Mais, ce matin, je vais parler de notre comportement au milieu d'un endroit perverti. Dans notre génération pervertie. Nos comportements pervertis. Quel est notre comportement vis-à-vis de ces choses-là? Comment nous réagissons? Remarquons très attentivement que ils vivaient leur vie tranquillement. Ils faisaient ce rapport sexuel une fois, deux fois, trois fois, peut-être deux ans, peut-être cinq ans, peut-être six ans, peut-être dix ans. Dieu semblait ne pas faire cas de cela. Mais il y a un jour qu'il a fixé de lui-même, de sa propre autorité, où il entre en action pour sanctionner les hommes. Et ce jour-là était le jour de Sodome et de Gomorre. Ces deux hommes qui sont entrés, ils ne savaient pas justement que ce sont des messagers de jugement. Ils ne savaient pas. C'était le jour de leur jugement. Pour dire que quand vous péchez, vous ne savez pas quel jour Dieu va entrer pour sanctionner. Et l'autre était également tourmenté à l'intérieur, ne savait pas quel jour pourrait être délivré. C'est seulement le Seigneur. La Bible révèle que c'est seulement le Seigneur qui peut délivrer de l'homosexualité. Comment on le voit là? C'est lui seul qui peut délivrer de l'odésophilie, des puissances sexuelles. C'est lui seul. Vous ne pouvez pas vous soustraire. Voilà pourquoi la pornographie est injectée dans les vidéos, dans les écoles, dans vos écoles. Voilà pourquoi. Satan fait cela. La sœur Ophélie, sa bouche, c'est toi. Voilà, Satan fait cela pour former vos enfants à la sexualité. Une armée sexuelle qui va ébranler la terre. Dans les manières scolaires, le sexe est enseigné. À l'école, en fait, de toute façon, vous avez suivi la loi sur les théories des genres qui sont en train d'être développées dans votre continent. Et ça va prendre toute l'humanité. À partir de 2 ans à la maternelle, l'enfant va commencer à savoir ce que c'est que la masturbation, à toucher ses parties intimes. Vous voyez une génération pervertie là? La question c'est, nous, le sel de la terre, nous, la lumière du monde, quel est notre comportement et notre état d'âme au milieu de cette génération? La Bible déclare que le Seigneur, comme le frère a lu, que le Seigneur s'est délivré les justes et gardé les méchants pour être punis au jour du jugement. Le jour de Sodome était décidé, et quand Dieu est descendu, il est allé chez Lodome. Dieu connaissait là où il habitait. Les anges ne sont pas allés se renseigner quelque part que, est-ce que vous entendez un monsieur qu'on appelle l'au-dessus? Donc, quand vous êtes n'importe où vous êtes avec Dieu, il a dit, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Dieu connaît exactement votre maison. Dans Actes des Apôtres, quand l'apôtre Pierre était chez Simon le courroyeur là-bas, en train de jeûner dans Actes chapitre 10, quand l'ange est venu chez Corneille, il lui a dit exactement là où il doit aller chercher l'apôtre Pierre. Il connaissait où l'apôtre Pierre était logé. Il dit que la maison est en côté de la mer. Envoyé là-bas le chercher, il se trouve là-bas. Donc quand le juste est n'importe où, les yeux du Seigneur sont sur lui. Ça ne le quitte pas. Même s'il ne sent pas la chair de poule sur lui, Dieu quand même connaît là où il se trouve. Amen. Amen. Donc quel est notre comportement vis-à-vis des choses mauvaises que nous voyons aujourd'hui, de ces choses que nous entendons aujourd'hui? La Bible déclare que Lot était à ce milieu-là. Il a pu faire grandir ses filles dans la sainteté sans être violé. Comment a-t-il fait? Comment il peut garder ses deux filles vieilles jusqu'à cette heure-là? J'arrive au niveau de ses pensées et de ses positions. Alors, à un moment donné, Lot va arriver à un moment où, pour préserver les invités, les hommes qui étaient là, nous avons lu cela dans le livre de Genèse tout à l'heure, il est sorti hors de sa maison pour demander à ces hommes-là que ne commettez pas cette infamie. Donc la Bible, en fait, les gens ont dit, où sont les deux hommes qui sont entrés ici? Faites-les sortir pour que nous les connaissions. Donc il veut avoir le rapport sexuel avec les hommes. Les enfants jusqu'au vieillard. C'est terrible. Les enfants jusqu'au vieillard. Il dit, faites-les connaître. Faites-les venir ici pour qu'on les connaisse. Donc il ne demande pas l'avis de l'autre. Il veut faire quoi? Coucher avec les hommes qui sont venus. Il ne savait pas que, parce que les hommes, ils avaient la même forme comme nous, mais ce n'étaient pas des êtres humains normaux. C'était les êtres qui sont venus pour exercer le jugement du Seigneur. Mais maintenant, regardez le comportement maintenant, le comportement de Lot là-bas. Lot était prêt à donner ses propres filles pour qu'on les abuse. Imaginez toute la population qui était dehors. Il était engagé à donner ses deux filles pour que toutes ces personnes-là, depuis petit, on couche sa fille. Vous voyez la compromission? Vous voyez la compromission? Il dit que j'ai deux filles vierges qui n'ont point connu d'homme. Je vais vous les faire sortir et vous faites de ce que vous voulez. Ça, ce n'est pas le comportement d'un homme qui tient ferme à Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un vient chez vous, il veut coucher avec votre garçon, vous dites non, ne couchez pas avec mon garçon, c'est bon, c'est pas mauvais, c'est pas bon ça, ça c'est une homosexualité. Couche plus tard avec ma fille. Un parent fera ça pour son enfant. Alors, si c'était nos carons, nous, qui devons nous faire? Et remarquez très attentivement que même dans sa compromission, les gens ont refusé de coucher avec les filles vierges. C'est-à-dire qu'ils ont refusé, ils ne veulent pas les femmes. Ce n'est pas la femme qu'on veut, on veut l'homme. Qu'est-ce qui était dans ces êtres humains-là? Ils ont bousculé l'autre en disant que tu es venu ici comme un étranger au milieu de nous. Vous voyez? Un étranger au milieu de nous. Donc, nous sommes étrangers et voyagés sur cette terre-ci. Vous voyez? Nous sommes étrangers et voyagés sur cette terre-ci. Notre comportement ne doit pas être comme ceux des citoyens de cette terre-ci. Et ceux-là ont reconnu que tu es comme un étranger. Tu es un étranger au milieu de nous et tu veux faire le juge. Et il dit, on va faire pire à toi qu'à eux. Donc, il se disait que après avoir couché avec les deux anges, maintenant il va s'occuper de l'autre. En faisant la même chose. À un vieillard. Imaginez un peu cette pensée-là. La Bible déclare, après le jugement, après que le feu soit descendu, à partir du verset 30 que vous avez lu là, la Bible déclare que quand ils sont allés dans la montagne maintenant, c'est là où nous touchons le cas de ces deux filles qui sont vierges. Parce que la Bible nous rend compte que les deux filles étaient vierges. Ils habitent maintenant dans une montagne où il n'y a que son père là-bas et eux. Et elle. L'aîné dit à la petite sœur qu'il n'y a point d'homme ici, donc on ne pourra pas avoir de mari. Écoutez ce qu'une fille vierge dit. Il dit que faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui pour avoir de la postérité. Vous entendez ces choses-là? Donc elle était vierge physiquement, mais spirituellement. Spirituellement, elle était déjà déviergée à cause des nouvelles qui lui venaient. à cause des choses qu'elle avait déjà apprises. Elle connaissait les rapports sexuels sans avoir fait les rapports sexuels. L'intérieur était perverti, l'extérieur n'était pas encore perverti. Il fallait seulement qu'elle passe à l'acte pour accomplir ce qui était en elle. Au point où elle l'énigme son père, elle couche avec son père, elle tombe enceinte. Le lendemain, elle dit à sa jeune soeur que maintenant, j'ai couché avec mon père hier, maintenant faisons encore boire de vin pour que tu couches. Elles ont couché. Et les deux filles sont tombées enceintes de leur papa, l'inceste. Ils ont donné la naissance à deux nations, les Moabites et les Ammonites. Et quand vous allez lire du Genèse, Deutéronome chapitre 23, je crois que vous allez noter pour lire ça plus tard. Dans Deutéronome chapitre 23, c'est pour ça que Dieu interdit que eux, ces enfants, n'entreront pas dans son assemblée. Parce qu'ils ne sont pas venus conformément à la règle de naissance. Vous voyez? Donc notez Deutéronome chapitre 23 et Jérémie chapitre 47 pour les Moabites. Quand Jérémie a prophétisé sur les Moabites, que son goût lui est resté. Donc voilà donc deux nations qui naissent de l'inceste. De la souladise, de l'inceste. Mais quel est le problème? Vous voyez effectivement que malgré que l'autre était là-bas, les informations qu'il suivait, ce qu'il entendait et qui tourmentait son âme, était resté gravé dans son âme au point où même ses filles vierges étaient perverties à leur propre insu. Au point où quand ils sortent de ce milieu-là, l'esprit de la perversion sexuelle se trouve en elles. Donc au milieu de là où nous vivons, quand il y a la contamination, on peut être contaminé avec les façons. C'est pour ça que la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous êtes corrompu petit à petit, la moralité change. Vous commencez à vous compromettre petit à petit sans vous en rendre compte. C'est un moment donné, quand vous êtes devant le fait accompli, vous posez un acte qui est exactement comme ce qu'on en est de reprocher à cause de ce que nous entendons et ce que nous voyons. C'est pour ça que nous devons veiller à ce que nos enfants voient. Nous devons veiller au comportement de nos enfants, surveiller leur comportement, surveiller ce qu'ils parlent. Quand les enfants sont en train de chanter, surveiller les chants qu'ils chantent. Parce que quand ils sont à l'école, ils chantent ce que tu... Ils peuvent venir à la maison, ils ont la crainte, vous ne savez pas. Mais quand ils sont dehors, suivez parce que dehors, la société leur donne une autre éducation, une autre formation. Et cette formation-là, petit à petit, est construite à l'intérieur de leur cœur. Un des seuls, ça va s'extérioriser. Au point, vous allez vous poser la question, mais Seigneur, cette éducation, si sort de l'enfant. Parce qu'à l'école, on va pas leur enseigner les choses de Dieu. À l'école, on va pas leur enseigner les choses de la crainte du Seigneur. Vous allez entrer dans le métro. Les hommes seront en train d'embrasser avec les hommes. Vous n'allez pas fermer les yeux de vos enfants. Ils vont voir cela. La perversion. Quand il a vu, le cliché est imprimé sur sa rétine et dans ses pensées. Il va grandir avec cela pour voir petit à petit comment un homme est en train d'embrasser un homme. Après, vous allez entendre le démon va prendre le corps de votre enfant. Il va dire que non. Un enfant mal commence à dire que j'aime plutôt Michael. Vous posez la question comment il commence à avoir des désirs pour Michael, mais c'est le développement du cliché que Satan a imprimé dans ses pensées. Frère, l'heure est grave. Ma soeur, l'heure est grave. Quel est notre comportement dans, au milieu d'une société pervertie? Bon, le vrai problème que la Bible pose, c'est notre comportement, notre réaction. Quand nous voyons cela, est-ce que nous haïssons cela comme Dieu le hait? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser être dépouillés, être détruits par quiconque sans avoir transgressé la loi de Dieu? Voilà l'autre, il était prêt à donner ses filles vierges pour qu'on les abuse. Je me demande bien comment, si toutes ces populations-là couchaient avec ses enfants, comment ils devaient regarder encore ses enfants plus tard? Ou mieux, comment les enfants devaient regarder leur père plus tard? C'est terrible, n'est-ce pas, frère? Vraiment terrible. Amen. Alors, la Bible déclare dans 2 Pierre que son âme juste était tourmentée journellement. Donc, chaque fois que les événements tout autour de nous, les événements sont mauvais, ce que vous entendez est petit parce que le poids de ça, c'est sur votre âme. Quand vous avez vu une vidéo qu'une femme a dit de coucher avec un serpent, vous montez ou descendez, vous ne pouvez plus jamais effacer ça de votre pensée. Satan vous a donné une information. Que préparez-vous parce que bientôt la zoophilie va faire face. Petit à petit, il a dit de vulgariser la chose. Il tourmente comme ça notre âme. Au point où même les chrétiens se trouvent dans des styles de rapports sexuels que ça ne fait plus rien à personne. Parce qu'on lui a enseigné, c'est un standard. Et à un moment donné, donc, il prend cela comme acquis et il dit que ça ne fait du mal à personne parce que son âme a pris le cours. On ne doit pas faire comme ça. On ne doit pas faire comme ça. On ne doit pas vivre comme ça. On ne doit pas vivre comme ça. Allons dans le livre de 1 Pierre. Que Dieu vous bénisse. Les versets 11, 12. 11 et 12 des deux. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12, mes frères. 1 Pierre chapitre 2, versets 11 et 12. Vous y êtes? Oui. Le frère Guirichard lit. Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayant une conduite honnête parmi les gentils, afin qu'au lieu qu'ils médisent de vous, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu au jour de la visitation en voyant vos bonnes œuvres. Amen. Vous voyez, voilà l'exhortation qui est donnée aux chrétiens. Il commence par bien-aimés, donc il s'adresse aux chrétiens. Il dit qu'il nous exhorte comme des voyageurs et des étrangers. Donc, on doit se considérer comme des voyageurs. En fait, vous êtes en bonne position. Voilà, par exemple, c'est vrai que le frère Willy, il est français, mais là, il se trouve en N'Djamena, au Tchad. Donc, il est là-bas comme un voyageur. Même s'il le veut ou pas, c'est un voyageur, c'est un étranger. Donc, le comportement qu'il va avoir là-bas, ce n'est pas le comportement des Tchadiens. Il ne doit pas se comporter comme Tchadien. Il doit vivre au milieu de terre. C'est quand il doit savoir qu'il est prêt pour le départ à tout moment. Et comme vous autres qui m'écoutez maintenant, vous êtes étrangers dans un pays. Et la Bible déclare qu'on doit se conduire là, dans ce pays-là, comme des étrangers. Vous devez considérer cela comme ça. En fait, le Seigneur a parlé de la terre ici. On doit comprendre que la terre n'est pas notre fin. Ce n'est pas ici. Notre finition, ce n'est pas sur la terre. Nous sommes de passage. Il dit qu'il faut qu'on doit s'abstenir des convoitises charnelles. Veuillez souligner, s'il vous plaît, les convoitises charnelles. Et que chacun imagine les convoitises charnelles. Soulignez l'expression convoitise charnelle. Et on dit donc que ces convoitises charnelles-là font la guerre à l'âme. Ça veut dire que les tirs que ça tire, c'est sur votre âme. Et c'est sur notre âme que ça fait. C'est pour cela que Satan multiplie publicité impure, publicité impie, publicité injuste pour nous donner des informations. Il martèle ça chaque jour. Vous voyez la publicité de la bière. Il y a une femme nue à l'intérieur. Vous voyez une musique, une séquence de musique. Il y a une femme derrière avec les seins dehors. Vous voyez la publicité des voitures, d'exposition de voitures. Vous voyez un homme de voiture de luxe, deux femmes sont en train de se trimousser tout autour. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de pervertir l'âme de quelqu'un qui est en train de regarder. Petit à petit, l'image est projetée sur ta pensée. Petit à petit, on fait le défilé du mode pour qu'on commence à nous enseigner comment la femme doit avoir la démarche normale d'une femme, comment la femme doit être taillée. Il faut que ses reins soient comme la guitare. Vous n'êtes pas les guitares, on ne doit pas vous jouer, vous n'êtes pas les musiques. D'accord? Vous êtes des pots de fleurs jolies que Dieu vous a faites. Et vous devez dégager le bon parfum de la sainteté, les femmes. Et la Bible déclare ici là qu'on doit s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc chaque fois que les choses sont les convoitises du monde, ça fait la guerre à votre âme. Parce qu'en fait, Satan sait que votre âme n'a pas de prix. La Bible déclare que donnerait un homme en échange de son âme. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, c'est notre âme qui est en jeu. C'est-à-dire que les informations sont gardées et stockées dans notre âme. Les blessures sont. Quand vous faites un accident de circulation, vous voyez les blessures sur vous, les cicatrices. La même chose. Ce qui blesse notre âme, ce sont ces convoitises ici. C'est ça à l'intérieur. C'est ça qui faisait la peine à Noé, à quoi? À l'autre, au milieu. Notez Ézéchiel chapitre 14. Notez. Je vais citer propre tout ce qui est écrit. Ézéchiel chapitre 14. Je n'ai pas demandé que vous ouvrez. Notez tout simplement pour que je continue à parler. Alors au chapitre 4 de ce même livre-ci, notez Ézéchiel chapitre 14, je vais citer tout à l'heure, Ézéchiel chapitre 14. Je vais citer ce qui y est écrit. Oh, et si besoin, on va y aller. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre au chapitre 2, alors au chapitre 4 cette fois-ci. Chapitre 4. Chapitre 4 de 1 Pierre, versets 7 à 10. Quelqu'un lit alors? Oui, frère Willy, lit alors. Ah, tu dis quoi? 1 Pierre chapitre 4, verset 7 à 10. Pierre, tu as dit. Oui, c'est ça. 1 Pierre chapitre 4. Verset 7 à 10. Oui. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Amen. Amen. La Bible dit la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. Qu'est-ce qu'on doit faire donc? Il dit la fin de toutes choses est proche. Soyez sobre et sage pour vaquer à la prière. Donc le temps n'est pas à la distraction. Le temps n'est pas à la distraction. Parce que si vous voulez la distraction, Satan a mis toujours des divertissements en jeu pour nous maintenir dans la distraction afin que le jour du Seigneur vienne nous surprendre. Nous ne sommes pas des gens de dehors que ces jours nous surprennent. C'est pour cela que le nom de votre groupe, c'est la France dans la sainteté. La France dans la sainteté. La France dans la sainteté. Cette sainteté irréprochable sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On doit être saint. Dans ce pays où vous vous trouvez, vivez pas comme les gens de ce pays-là vivent. Vivez sachant que vous êtes des passages et que le Père qui est au ciel, qui a localisé l'autre au temps d'Abraham, s'il y a des moments difficiles, il vous localisera pas pour vous mettre à l'abri. Parce qu'il ne détruit jamais un peuple, les injustes avec le juste. Il met toujours les justes à l'abri. Il faut toujours le faire. Alors, chapitre 1, cette fois-ci, de ce même livre, chapitre 1. Chapitre 1, versets 14 à 17. Oui. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Le chapitre 1. Car je sais que là, je quitterai. Tu es dans le second épître de Pierre, le chapitre 1 plutôt. Donc, 1 Pierre, chapitre 1. Ah, 1 Pierre. Oui. J'entends mal. 1 Pierre. Chapitre 1. C'est là ce qui. Oui. Chapitre 1, verset 7. Verset 14 à 17. Verset 14. 14 à 17. Comme des enfants élevés, nous n'avons pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Puisque celui qui vous a appelé est saint aussi, soyez saint dans toute votre conduite, selon qu'il écrit, vous serez saint car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas une chose ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Voilà. Et par le sang précieux de Christ. Amen. Wow. Amen. Maintenant, je vais relire. Je crois que la connexion est un peu mauvaise avec N'Djamena. Je vais relire encore. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous viviez dans l'ignorance. Donc, quand on vivait dans le péché, comme tout le monde, comme les trains de ce monde-ci, la Bible déclare qu'on ne doit plus s'y conformer. Ça veut dire que le temps de l'ignorance s'est révolu. Quand on est dans le Seigneur, il y a l'enseignement de la sainteté. Il y a une séparation avec les principes du monde. Dans Romains 12, il dit, je vous exhorte bien aimé à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, le renouvellement de l'intelligence doit nous indiquer que le style de vie qu'on menait, Dieu n'aime pas ça. Il y a un autre style de vivre. Il y a un autre style de vie, la vie dans la sainteté. C'est en cela que consiste la marche dans la lumière. La marche dans la lumière, parce que la parole est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. La marche dans la lumière consiste à marcher d'après la parole de Dieu. Tu te diriges d'après la parole de Dieu. Et tout ce que la parole de Dieu a mis comme ténèbres, vous considérez comme ténèbres. Et ici, donc, il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Donc, autrefois, quand on ne connaissait pas Jésus, que vous le vouliez ou pas, que vous ayez le doctorat, n'importe quoi, vous êtes quand même dans l'ignorance. Il dit ici, verset 15, mais puisque le frère Willy rit, parce que si c'était les érudits et ceux qui sont diplômés qui connaissaient ces choses de Dieu, la sainteté, ça ne s'apprend pas à l'école. La sainteté, il n'y a pas de diplôme pour cela. Amen. La sainteté, c'est une grâce qui vient de Dieu pour nous faire sortir du péché et nous faire marcher dans ses voies. Amen. C'est à cela que ça consiste. Donc, à l'école, justement, on enseigne plutôt la perversion des pensées. Verset 15 nous dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé, nous savons que c'est Dieu dont il est question, est saint, vous aussi soyez saints. » Et on ajoute, « Dans toute votre conduite. » Ça veut dire, comme le frère Stéphane est en train de conduire du côté de Lyon, là, comme il est au volant, il conduit la voiture, il ne doit pas conduire la voiture comme un païen. Dans la conduite, en tant que chrétien, il y a des feux de signalisation. Il y a des choses qu'il doit respecter. Le mondain, lui qui vit dans l'ignorance, peut dire, ah, je bafoue l'autorité de l'État. Lui, étant dans la sainteté, doit savoir qu'on doit respecter, on doit être soumis à toute autorité qui est établie. Il y a l'autorité physique, l'autorité mobile et l'autorité fixe. Les feux de signalisation, il doit les respecter. Les accotements, il doit les respecter parce qu'il est chrétien. Et on dit, soyez saints dans toute votre conduite à la maison. La relation avec la femme doit être saine. Avec les enfants, la conduite doit être saine. Au travail, ça doit être saine. Avec le voisinage, ça doit être saine. À l'école, n'importe où, la conduite doit être saine. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite. En somme, si nous vivons dans un environnement, si les gens sont, par exemple, vous pouvez être dans un boulot où les gens font de la fraude, quel est votre comportement vis-à-vis de cela? Vous serez au milieu des gens qui vivent dans la fraude, peut-être même une fraude organisée. Et là, maintenant, vous devez exprimer les attributs de votre père. Parce que là, ils expriment les attributs de leur père à eux. Vous n'allez pas entrer chez eux, vous n'êtes pas de la même famille là. Vous n'allez pas vous comporter comme eux. Alors là où ils volent, vous devez vivre dans la sainteté. Là où ils mentent, vous devez vivre dans la vérité. Là où ils sont injustes, vous allez vivre dans l'équité, la droiture, la justice. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. Veuillez souligner ces passages-là. Soyez saint dans toute votre conduite. C'est un commandement. Il ne dit pas seulement soyez saint, il dit dans toute votre conduite. Ça veut dire que la sainteté touche tous les domaines de notre vie. Tous les domaines de notre vie. On ne dira pas que non, la fée de Dieu là ici, je porte la casquette de Dieu. Il n'y a pas de casquette de Dieu qu'on enlève. C'est la nature. C'est une façon, un style de vie. Et dans notre style de vie, dans notre style de marche, chaque comportement que nous allons poser implique automatiquement la répercussion dans l'éternité. C'est-à-dire, le Seigneur va te poser la question si c'est comme ça qu'un enfant du royaume doit marcher. Dans cet état des choses. La façon dont vous réagissez dans votre lieu de service. Lorsque quelqu'un vous attaque et vous accuse injustement. La façon dont vous réagissez a des répercussions sur le plan de l'éternité. La répercussion, c'est que la première question que Dieu te pose, c'est que est-ce que c'est ce que j'étais prescrit de faire? Il y aura des injustices. Dans ce même livre de 1 Pierre, il dit que ne rendez point injure pour injure. Mais priez pour vos ennemis. Il a dit ça à plusieurs reprises dans la Bible. Ne vous vengez point. Vous voyez? Donc, ça veut dire que si on est les enfants, on invoque le Dieu qui est saint, il nous commande. Il nous commande ici d'être saint dans toute notre conduite, notre comportement. Vous devez chaque fois vous poser la question, est-ce que dans cette façon d'agir, Christ agirait ainsi? Ça, la question doit être répondue avant qu'on avance et fait un choix. Vous êtes dans un boulot, votre patron, celui qui vous a employé, vous appelle. Il dit, ah, peut-être, vous faites dans le magasinage, il dit qu'il y a des colis qui sont venus, c'est 5 colis. Je veux que tu déclares plutôt 4. Et c'est toi qui dois gérer cela. Tu dois écrire dans le cahier parce qu'il ne faut pas qu'on paye le fisc pour un autre colis. Vous faites quoi? Vous faites quoi au risque de perdre votre boulot? Qu'est-ce que vous allez faire là? Vous allez dire, ah, ça t'engage? Parce que tu participes là. Parce que la Bible déclare que celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Vous allez faire quoi? Là, vous devez faire deux choses. Vous avez deux choses à faire. Soit faites comme votre patron, vous protégez votre travail et dans ce cas, vous déshonorez Dieu parce que tôt ou tard, il va vous demander de compte là-dessus. Ou bien prenez position pour Dieu comme Abednego, Shadrach et Meshach, qu'on ne peut pas fléchir les genoux devant cette infamie. Et au risque même de perdre le travail et même notre propre vie. C'est à ce niveau-là donc que le niveau de la sainteté arrive. C'est-à-dire que tenir ferme au milieu d'une génération perverse et corrompue. Tenir ferme au milieu de la corruption et de la fraude. Marcher dans la justice et dans la droiture. Là, voilà là où Dieu nous attend. Donc la confession que nous faisons chaque jour que je suis chrétien, je lis la Bible, je prie, c'est pas là le problème. C'est au niveau de la manifestation de ce que tu as pris comme action dans la Bible. Parce que la parole c'est pratique, ça c'est vie. Il faut que parce que quand on suit les enseignements, on suit des prédications, on lit la Bible. Le but c'est quoi? Il faut que ça entre en nous et que ça prenne vie. C'est-à-dire, si nous confrontons ce que la Bible est contre, c'est là où on doit se manifester, on doit savoir si on a assimilé ce que la parole parle. Quand vous dites, oh non, non, non, j'aime mon voisin, j'aime mon prochain et autres, attendez seulement que la personne qui vous aime, que vous aimez beaucoup, vous trahit. Tu vas entendre ce que ça veut dire aimer ton ennemi comme toi-même. Tu vas vraiment comprendre ce que ça veut dire. Tu vas vraiment entendre ce que veut dire pardonnez-vous réciproquement. Pour quelqu'un que tu aimais, que tu considérais, qui t'a mis le poignard dans le dos, comme on dit dans le monde. Et que tu dois regarder en face comme ça, étant honnête envers toi-même et avec Dieu, pour dire je te pardonne au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez cela? C'est à cet endroit que vous allez, c'est à ce moment que vous comprenez si les versets bibliques vous avez assimilé. Il ne doit pas vous mettre en classe pour donner un verset, pour donner un verset sur papier que c'est quoi la foi, point, point, point. Tu dis que d'après Hébreux 11, 1, la foi c'est une ferme assurance qu'on enseigne. Ça, c'est à l'école de théologie, on enseigne cela. Dieu, lui, il compose, il donne les épreuves sur le terrain. C'est sur le terrain. Sur le terrain, tu vas à l'hôpital, on te dit que ma chère, ton sang a des problèmes, tu as la leucémie. Et là, maintenant, tu vas savoir si la ferme, tu as la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère. Tu vas savoir que tu peux espérer la guérison en ayant foi que Dieu peut le faire. Vous voyez, là vous devez savoir si vous avez assimilé le cours de Hébreux 1, 11, 1. Vous devez savoir, vous dites, oh non, non, Jésus avec nous. Quand deux ou trois sont unis à son nom, il est présent, ne t'inquiète pas. Attends, quand vous serez vraiment Dieu, vous allez commencer à prier. Et puis Satan va venir avec des pensées pour dire, ok, ta maladie que tu as depuis. Depuis que tu pries, est-ce qu'il y a la réponse? Tu vas savoir si tu peux balancer la foi que tu as foi que Jésus est présent. Donc Dieu traite avec nos cœurs, traite avec notre âme afin que nous vivions, nous manifestions sa parole. Et donc les épreuves donc, de la foi se trouve au milieu de la société. Vous ne pouvez pas, même si vous construisez une société dite chrétienne, à un moment donné, vous allez confirmer que l'État fait sa main mise là-dedans. Les choses du monde vont commencer à faire la main mise là-dedans. En fait, vous ne pouvez pas construire entre vous. On va toujours côtoyer le monde, vous le voulez ou pas. Le métro, vous allez entrer dans le métro, les mondains seront à l'intérieur. Vous allez prendre des bus, rouler, vous ne pouvez pas construire votre propre route. Pour acheter la voiture, vous allez aller chez eux pour acheter. Vous allez venir un jour peut-être pour acheter une voiture, c'est la femme qui est là-bas, c'est une transsexuelle. Il va te dire que même ton nez est plein, hein, tu vas confirmer maintenant qu'il faut confirmer l'évangile. Vous voyez? Donc, au milieu de notre monde, nous nous trouvons en plein territoire ennemi. Mais Dieu attend notre comportement. Nous devons éviter. C'est pour ça qu'il a dit qu'on prenne garde la manière dont nous écoutons. Parce qu'on va nous juger selon la mesure de tout ce que nous aurons écouté. Notre génération est la génération la plus dangereuse devant le Seigneur, la plus délicate par rapport à la vie et la plus glorieuse qui puisse entrer directement devant le Seigneur en n'ayant pas combattu pendant plusieurs années. Donc nous devons faire attention. Il dit qu'on doit se conduire dans la sainteté, à quoi? Dans toute notre conduite. Vous voyez? Dans toute notre conduite. Et puis il dit au verset, il dit, selon qu'il est écrit, vous serez saint car je suis saint. Verset 16. Il dit, et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Donc, durant le moment de notre pèlerinage sur la terre, on va se conduire, on doit se conduire avec crainte. Amen. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 14, que je vous ai donné, il a dit que s'il y a des événements sur la terre où il y a de l'injustice, du péché, et qui veut détruire ces péchés-là, Dieu donne le nom de trois personnes qui ont été dans l'Ancien Testament là-bas. Il dit que s'ils se trouvent dans ces pays-là, dans cette ville-là, ils vont sauver leur âme avec, par rapport à leur justice. C'est-à-dire, leur style de vie fera que Dieu les protège. Vous voyez? Dans Ézéchiel chapitre 14. Est-ce que si Dieu vient maintenant pour détruire la France, par rapport à notre style de vie, est-ce qu'il nous mettra à l'abri? Est-ce qu'en tant que mari, on fait le travail avec la femme? Est-ce qu'en tant que femme, on est soumise à son mari comme la parole le dit? Parce qu'on dit que, femme, soyez soumise à vos maris comme au Seigneur, comme il convient dans le Seigneur. Donc, il y a une convenance de soumission dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme le Seigneur a aimé l'Église. Donc, il y a une façon de l'amour que Dieu attend que tu donnes à ta femme. Vous voyez cela? Donc, ça sera conforme à la parole. Conforme à la parole. Si les jeunes hommes nous écoutent maintenant, vous voulez composer, peut-être, il y a des épreuves de langue là, peut-être, vous voulez faire un passage de langue, ou bien, même par rapport à vos permis de conduire qui sont assez chers. Et que peut-être les moniteurs de moniteurs que vous disent que je connais un moyen par lequel vous pouvez avoir votre permis facilement. Il dit que je peux te faire telle ou telle chose et puis tu composes ton permis. Serez-vous prêt à passer votre permis en étant honnête que même si vous échouez, vous dites gloire à Dieu sans vous compromettre? Voilà les tendances auxquelles nous sommes exposés dans la société. Au milieu d'une génération, on doit prendre position pour Dieu si on est pour Dieu. Au milieu de notre génération, ne pensons pas que on va prier, les choses vont changer. Les ténèbres sont en train d'aller grandissantes. Et au fur et à mesure que les ténèbres vont aller grandissantes, la Bible déclare que l'amour du plus grand homme se refroidira. Souvenez-vous de cela. L'amour pour le Seigneur, l'amour pour les choses de Dieu, ça va plutôt décroître. C'est pour ça que vous allez voir effectivement qu'il y a peu de gens qui parlent de la sainteté. Peu de gens qui veulent vivre la sainteté. Ils peuvent encore survoler la sainteté en disant que non, Dieu est saint, soyons saints. Mais ils, dans les détails, ils savent que s'ils entrent dans les détails, ça les coûtera. Ça les coûtera des séparations. Ça les coûtera d'être radical. Et donc, c'est ceux-là qui vont se tourner vers vous pour dire, ne soyez pas radical, ne soyez pas fanatique. Il faut équilibrer. On n'équilibre pas avec le péché. On se sépare du péché. Et ça, c'est du radicalisme. Il faut du fanatisme pour se séparer du péché. Il faut du fanatisme pour faire pour en découdre avec ce monde-ci. Il faut du fanatisme pour vivre dans la sainteté à outrance comme Dieu le veut dans toute notre conduite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La France dans la sainteté. Bonjour à la France. Bonjour. J'en ai terminé. Ce que le Seigneur avait mis sur mon cœur pour la France dans la sainteté, j'en ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis à votre service maintenant. S'il y a des questions, s'il y a n'importe quoi, je suis à votre service. C'est comment personne en France parle? Oui. Oui, ma soeur, la soeur Paul Gertrude. Oui. Oui, moi par exemple, je travaille dans la restauration. Oui. Et là-bas, la tenue c'est pantalon et chemise. Oui. Donc en tant que chrétienne, comment est-ce que je dois me comporter donc? Si tu étais au temps de l'autre, si tu étais au temps de l'autre, que là où il travaillait là-bas, on couchait avec les hommes, qu'est-ce que tu devais poser comme question et répondre avec comme réponse? Ben, je vais refuser. Si tu étais au temps de Abednego, Shadda et Meshach, et on a construit la statue, on a dit que voici la norme, la statue c'est tout le monde doit se prosterner, tu ferais quoi? Je ne prosternerais pas. Okay. Il a dit quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Il n'a pas dit K1 à moins que tu travailles, K2 si tu en as été baigné. Il a dit quiconque fait ces choses, n'est-ce pas ma soeur? Oui. Autre question, mes frères et soeurs? Là où les cris parviennent, la personne ferme son micro. Là où il y a les enfants qui crient, fermez le micro pour que ça ne dérange pas les autres. S'il vous plaît. Le frère Christian voulait parler. Le micro n'est pas ouvert. Quoi. Frère Christian, ton micro n'est pas ouvert. On ne t'entend pas. On ne t'entend pas non plus. Vérifiez votre micro, vérifiez la connexion, vérifiez qu'on n'avait pas muté. Avez-vous les questions? La sœur Kelly, pourquoi tu mets la main sur la tête comme si tu es dépassé par les événements? Ah non, non. Tout va bien, pareil. Que le Seigneur te bénisse. Le frère Guy Richard, c'est comment tu me dis comme un étudiant qui voulait tricher sur une épreuve et on lui a dit que tu n'as pas triché. C'est quoi? Est-ce que nous sommes prêts à vivre dans la sainteté vraiment en France, de telle enseigne que vous pouvez vous décider que si les gens déshonorent le Seigneur, moi, je serai le seul à honorer le Seigneur. Dans cette France, si Dieu vient, il faut qu'il me trouve vraiment saint. Vous pouvez prendre cette décision-là franchement. C'est-à-dire que si Dieu vient et qu'il doit détruire la France, il doit vous mettre à l'abri parce que vous vivez comme il veut. Est-ce que vous pouvez prendre cet engagement de vivre dans la sainteté? Amen. Cet engagement-là, ça vous coupe des familles, ça vous coupe des amis, ça vous coupe des railleries, ça vous amène des moqueries, ça vous amène des railleries. On se moque de vous que vous datez d'une certaine époque. Mais c'est la voie de l'excellence pour aller vers le ciel. Bonjour. Oui, mon frère Willy. Moi, j'ai une question. Oui. Je ne sais pas où habite exactement là, tout le monde en France. Oui. Maintenant, il y a une chose qui est très simple en France. Oui. Si on habite dans des grandes villes, que ce soit la grande ville ou tout le périph', oui, toutes les villes qui collent aux grandes villes, on baigne dans tous ces péchés. Oui. Si maintenant, on va dans certaines régions, si on va dans certaines campagnes, on diminue le contact de tous ces péchés. Oui. J'ai pas dit que on le fuit. J'ai pas dit que la campagne c'est ça. Je dis simplement que la vie est complètement différente. Oui. Tout ce que chacun d'entre nous peuvent croiser, oui, peuvent vivre, ils vont beaucoup moins connaître et vivre le péché dans des campagnes que dans des grandes villes. Oui. Quand on a le choix, où est-ce qu'on doit vivre? Bonne question. Je laisse la question au panéliste de répondre. Parce que moi, je suis en Ngodi Bakoko à Douala au Cameroun. Et je suis en Brousse. Si je pose la question, je vais être sincère. Oui. Parce que les gens, on ne se connaît pas tous. Oui. Je vais être sincère. Oui. Mesdames et messieurs, moi j'ai une femme oui. qui veut vivre dans une grande ville. Là, voilà. Moi je pense le contraire. Là voilà à côté de lui là-bas sur l'écran. Donc voilà sa femme, la sœur Flora. Sœur Flora, fais bisous à ton mari là pour qu'on sache que c'est toi. Voilà, voilà. Donc expose le cas là-bas. Donc son mari dit il veut aller en campagne pour éviter ces péchés-là. Mais sa femme aime la ville, elle aime la ville parce que elle est habituée à Abidjan, elle était habituée à Abidjan avec le boro d'Anjaïma. Alors maintenant les frères, voilà le problème qui est posé. Si c'était vous, le péché, c'est vrai qu'en campagne il y en a, mais c'est diminué par rapport à l'ampleur dans la ville. Alors si vous aviez le choix donc entre la ville et que vous avez la possibilité de vivre entre la ville et la campagne, vous choisiriez quoi? Alors aidez notre frère. Moi, je choisirais la campagne, frère. Pourquoi, ma soeur? Donc, il faut te justifier. Ici, chacun doit parler. Il n'y a pas de neutralité. Parce qu'on doit aider notre frère. Moi, je suis d'accord avec ma soeur. Ok, donc la soeur Nafi est d'accord pour la campagne. Oui, la soeur Paul parle. Oui, moi je disais, je suis d'accord, je serais d'accord pour la campagne parce que en campagne, il y a moins de tentations que dans des grandes villes. Oui. La sœur Kelly. Oui, je serais pour la campagne aussi. Oui. Parce que effectivement, il y a moins de tentations. Oui. Donc on se préserve aussi de tout ça. Oui. En allant là-bas. Oui. Le frère Guy Richard. Pense pareil. Je vais opter pour la campagne. À partir du Seigneur, veut que tu ailles précisément dans cette grande ville pour une œuvre particulière, mais sinon, oui. Voilà, on dirait qu'il ne faut pas tenter de le faire. Oui. La sœur Ophélie, nuage de délices, tu baignerais dans les nuages? La sœur Ophélie, apparemment, son micro est fermé. La sœur Marie-France, qu'est-ce que tu opterais? Mais pour la campagne, bien sûr, parce qu'il y a moins de tentations. Et puis, il faut savoir si c'est là où le Seigneur nous veut. Voilà. Il faut être là où il nous veut. Oui. Le frère Junior. Oui. Oui, moi je disais en fait que la campagne, oui, mais le problème c'est que partout, en fait, il y a le péché. Oui. Ce n'est pas le milieu dans lequel tu es qui va, qui va t'influencer, en fait. C'est à toi de pouvoir marcher, en fait, en nouveauté de vie et en esprit. Parce que le péché, en fait, c'est déjà dans l'esprit, en fait, tu vois. Oui. C'est vrai que oui, l'endroit, en fait, le lieu dans lequel on vit peut nous influencer. Oui. Mais moi, je pense quand même, par exemple, comme l'exemple que tu as donné par rapport à Lot. Oui. Lot vivait justement à Sodome et tout, dans un milieu où il y avait le péché, mais lui, il n'était pas comme ça, en fait. Oui. Donc, moi, je veux dire que oui, c'est vrai, si tu as la possibilité de partir en campagne, tu as la possibilité de passer en campagne, mais ce n'est pas à cause de ça principalement, en fait, que tu as péché, quoi. Oui. Bon, moi, sœur Ophélie, okay. Nous nous trouvons ici dans un cas où tu as effectivement le cas entre il y a la possibilité de vivre en campagne et la possibilité de vivre en ville. Donc, tu as ces deux choix. Ce n'est pas que tu dois choisir. Il y en a. Tu as la possibilité. Déjà, est-ce que l'influence de péché que Abraham avait, est-ce que c'est la même chose que l'autre avait? Non. Voilà. Alors, non, pas du tout. Donc, vous voyez effectivement que si vous prenez un enfant qui est dans une campagne à Bordeaux ou bien quelque part à Toulouse, là-bas au coin, vous voyez effectivement que ça ne sera pas comme un Parisien, comme un Marseillais. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, par rapport à le comportement. Voilà. Le frère William, bonjour et bonne arrivée. Bonjour. Oui, tu es venu. Depuis que tu nous écoutes, la personne. De toute façon, on ne te voit pas. Je crois qu'après, on va faire des présentations là, pour qu'on se connaisse les uns les autres. Après l'enseignement. Donc, qu'est-ce que tu dirais dans le cas de Willy? Dans ce cas, je rejoindrais l'avis de la sœur qui a parlé tout à l'heure et qui disait que, de toute façon, le péché est partout. Nous sommes tentés partout où nous sommes. Oui. Et donc, bon, c'est vrai, n'est-ce pas? Il nous est. Nous avons comme recommandation de fuir le péché. Oui. Donc, le point ne serait pas ne serait pas, n'est-ce pas, de se déplacer parce qu'on fuirait, puisque justement nous sommes vainqueurs par, n'est-ce pas, nous sommes vainqueurs par l'esprit qui habite en nous. Mais le point serait de chercher, pas de chercher, mais de, oui, le point serait de chercher, n'est-ce pas, la voie, chercher un peu. La volonté de Dieu. Oui, exactement, la volonté de Dieu, donc de rechercher la paix, oui. En fait. Oui. La paix où nous pouvons vraiment vivre notre relation avec Dieu. Oui. Et bien sûr, vivre dans le monde. Oui, mais et toi, particulièrement, s'il était donné un choix que tu vives en campagne, tu as ce choix-là, entre la campagne et la ville, tu préférerais quoi? Bon, personnellement, j'ai une tendance à rechercher des endroits paisibles, donc je choisirais la campagne. Ok. Le couple Gabo de Viry-Châtillon, c'est à vous la parole. Est-ce que votre micro est arrangé maintenant? Ce n'est pas arrangé, ce n'est pas arrangé. On est désolé, on ne t'entend pas, on ne vous entend pas. Bon, le frère Willy, on te retourne la parole. Tu as suivi les avis des uns et des autres. Quelle est la synthèse que tu en fais? Moi, ce que je veux que certaines personnes comprennent là, oui. Écoutez bien les mots que j'emploie, ce que je dis. Oui. Retenez pas simplement campagne et vie. Oui. J'ai dit tout à l'heure, je ne dis pas que je veux fuir le péché, parce que le péché est partout. Oui. Maintenant, moi, je vais vous poser une question pour ceux qui disent, ah, mais le péché est partout. La campagne, c'est quoi? C'est la nature, c'est des arbres. Ça, c'est ce que Dieu a créé. Oui. La ville, c'est quoi? C'est des immeubles, oui. Des magasins, tout à disposition. Dites-moi si c'est Dieu qui a créé la ville. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer autre chose. Si moi je parle comme ça, c'est que je connais les deux. Je connais les deux. J'ai vécu à la campagne, j'ai grandi à la campagne, et depuis quelque temps, je vis en ville. Oui. Ça, c'est une première chose. Oui. Deuxième chose, les enfants, ils ont été choqués quand ils sont arrivés dans les écoles de Bordeaux, parce qu'ils n'ont pas connu, ils n'ont pas vécu ça. Quand je dis ça, c'est quoi? C'est simplement, est-ce qu'on va en ville? Bien, il y a le péché et tout. Nous, on est adultes, on est capable, mais attention, pas tous, hein, on est capable de s'armer et de faire ce qu'il faut pour ne pas être dans le péché. Oui. Très bien. Est-ce que nos enfants ont été recrutés? Non. Non. Parce que l'enfant, lui, il se calme sur ce qu'il voit, aussi bien chez ses parents, aussi bien ce qu'il voit autour de ses parents, etc. Là où j'habite, il y a l'esprit de voleur. Nous, on s'est fait voler. Tous mes enfants, ils n'ont plus de vélo. Leurs vélos se sont fait voler. Je ne vous explique même pas le langage. Je ne vous explique même pas le comportement, etc., etc. Donc, moi j'ai ma fermeté, j'ai ma décision en moi. Moi, je suis convaincu que la ville, c'est fait pour Satan. Ce qui intéresse Satan, c'est de réunir tout le monde dans un endroit et de les diriger. Quand vous êtes à la campagne, il y a plusieurs avantages. La première chose, c'est que vous êtes en contact de la nature. La nature, c'est quoi? C'est Dieu. Deuxièmement, je vais vous poser une question à tous. Vous élevez vos enfants en ville. Qu'est-ce qu'ils vont connaître? Ils vont connaître quoi? J'habite là, j'ai tout à disposition, des magasins, etc. Si jamais Dieu retourne la terre, si jamais Dieu retourne la terre et qu'il n'y a plus rien dans les magasins, est-ce que vos enfants seront capables de se débrouiller par eux-mêmes, de planter des tomates, d'élever un poulet et de le tuer? Ça, c'est la campagne. Voilà. Moi, je suis profondément convaincu que si nos enfants, on ne les a pas dirigés dans cette vie-là, il y a ce risque-là pour eux. Après, on peut me dire, ah ouais, non, mais si jamais la terre se retourne, Dieu va nous enlever. Vous en êtes convaincu? Vous en êtes convaincu que Dieu va vous enlever? Vous pensez que là, tout ce qu'on est là, le groupe qu'on est actuellement, vous pensez qu'on va être tous à nouveau au paradis? Moi, je ne suis pas convaincu. Alors, on peut me dire ce qu'on veut, on peut me dire, oui, mais si tu commences, t'es défaitiste. Je ne suis pas défaitiste, je suis réaliste. Je préfère me préparer à rester sur cette terre avec une vie difficile. Et si Dieu décide de m'enlever, amen. Mais au moins, je ne vais pas me retrouver comme un idiot. Jamais il y a l'enlèvement et je reste sur terre. Voilà mon opinion. Voilà mon opinion. Chacun a son opinion, il n'y a aucun problème. Moi, ce qui me rend fou, c'est que, d'une certaine manière, et ça, je le vois au niveau des églises, tout le monde est convaincu que, ah, ça y est, le dimanche, je prie, je lis un peu la Bible, c'est bon, je suis dans les rails. Et c'est tellement compliqué de respecter les lois de Dieu. surtout avec la vie que certains vous mettent autour de lui, que moi, je ne suis pas convaincu d'aller au paradis. Et je n'en suis pas fier. Simplement, je n'en suis pas convaincu. Donc moi, maintenant, j'entends tout ce que vous dites. Moi, je reste sur mes idées. Moi, mes idées, c'est pas je vais à la campagne pour fuir l'ennemi. Je vais à la campagne pour mettre dans les meilleures dispositions mes enfants, pouvoir les guider, pouvoir les mener vers la meilleure éducation. L'éducation, je suis désolé, hein, c'est pas la ville. Hein. La ville, c'est quoi dans les prisons de l'enfance? Non, mais. Il faut que j'ai des nouvelles chaussures, il faut que j'ai des nouveaux vêtements, il faut que je fasse comme le copain, c'est-à-dire faire l'orphelin, mal parler, etc., etc. C'est ça, en fait. C'est la vie du monde. La ville, c'est la vie du monde. Je rappelle que quand on parle de Dieu, quand on parle de la parole de Dieu, quand on parle de l'ennemi, quand on dit « Ah, le monde », inversez les deux syllabes. Monde, ça fait démon. Ce mot, il n'est pas béni. Et c'est la vie du monde qui a envie. Moi, j'ai la chance avec le métier d'aller dans plein d'endroits. Que ce soit en France ou à l'étranger. Je le vois, je constate les différentes attitudes. Voilà. Moi, comment vous dire, quand je parle de ça, ça me rend nerveux. Parce que je suis tellement convaincu au fond de moi que c'est mauvais, que ça commence à m'énerver. Voilà. Donc, le frère Landro est un peu plus clair. Et je suis de son avis que vous le vouliez ou pas, avec l'ère que vous vivez dans votre développement à outrance, dans votre pays, un enfant qui grandira en campagne ne sera jamais affecté comme, même négativement, même par rapport au comportement, comme celui qui est en ville. Il n'y a qu'à voir comment les enfants de la ville répondent à leurs parents, même vis-à-vis de leurs semblables. Le comportement. Regarde le comportement des gens. Donc, ça veut dire que pour les uns et les autres, que vous avez la possibilité de vivre en campagne, si vous avez la possibilité, c'est déjà une grâce que d'avoir cette possibilité, parce que plusieurs n'en ont même pas. Pourquoi ne pas en profiter? Parce que de tôt ou tard, les parents vous rendent compte par rapport à l'éducation de leurs enfants. Frère Christian, ton micro est enfin ouvert. Ouvert? Tu m'entends? C'est sûr, c'est nous t'entendons. Ah, shalom encore, shalom alors. Oui, moi je suis du même avis que le frère. Hein. Ouais. Mais bon, tu m'entends? Tu es sur la ligne. Oui, je disais que moi je suis du même avis que le frère. Donc s'il y a la possibilité de vivre en campagne, moi je n'ai pas eu les idées de rentrer vivre dans mon village au Cameroun. Oui. Donc j'ai souvent eu ces idées-là parce que... Viens l'homme me trouver ici. Il y a encore de l'espace. Franchement, s'il y a cette possibilité, je ne les citerai pas. Et on a souvent parlé avec madame. Oui. Parce que le monde dans lequel on vit, on reconnaissant quand même qu'il y a tellement de tentations, même si les affiches quand on sort dans la rue, oui, c'est terrible. Oui. Il y a même des affiches qui peuvent posséder les gens. Absolument. Les voilà, tellement c'est partout. C'est partout sur les écrans. Quand vous entrez dans un centre commercial, je n'en parle même pas. Donc c'est vraiment le monde dans lequel on vit. Si on veut véritablement se sentir et marcher selon la convenance que le Seigneur demande, franchement, ce serait bien quand même de se retirer s'il y a possibilité. Oui. C'est un avantage pour nous. Oui. Ça nous facilite la tâche. Oui. Ça nous facilitera la tâche, ça c'est clair. Donc moi je suis du même avis que le frère. S'il y a cette possibilité-là, il ne faut pas hésiter. Amen. Oui. Amen. Oui. Alors, madame, j'avais une question, frère. Oui. En vivant dans cette situation-là, oui, que quand les deux hommes-là sont, les deux êtres-là sont venus chez lui, oui, la pression qu'on lui a mis là, est-ce qu'ils n'avaient pas mis cette pression à l'autre dès le départ? C'est bon. Parce que c'est un peu troublant dans le sens où je me dis, mais comment les deux gens-là sont venus mettre la pression au point où l'autre veut donner ses deux filles? Ça veut dire que je me suis dit que même à l'autre, peut-être ils avaient fait ça. Non, mais on dit que l'autre est juste. Ouais, absolument. Ça veut dire que Dieu l'avait préservé au point où... C'est comme si Dieu les avait aveuglés au point où ils ont couché avec les gens sans coucher avec l'autre parce que l'homme n'a jamais participé. On ne peut pas dire qu'il a fait participer à ça parce que la Bible l'appelle juste. Sinon, la Bible n'appellerait pas comme ça. Donc, c'est vraiment pour remarquer à quel point le Seigneur était la vie de la piété est tellement une âme puissante que l'homme a pu vivre dans cette vie sans toutefois être contaminé par ce comportement-là. Absolument. Donc, c'est vraiment la puissance de Dieu. Absolument. Absolument. Mmh. Et de manière tellement effacée que, mais quand on parle de l'autre, on dit, mais les deux étrangers viennent dans la maison et ils ont dans cette maison des plus petits aux plus vieux pour mettre la pression, pour forcer pas laver ces deux personnes. On a tendance à croire qu'ils étaient là à partir aussi avec l'autre. Non. tu vois un peu? Sinon, la Bible déclare, puisque la Bible déclare que ce comportement-là, puisque la Bible déclare que ce comportement-là le hantait jour et nuit. Sinon, on n'aurait pas dit comme ça. Donc, c'est quand même merveilleux de signaler cela parce que ça montre que le Seigneur protège ses justes même dans le milieu des plus pervertis. Exactement. La vie de piété, vraiment, c'est l'âme puissante. C'est vraiment l'âme la plus puissante. La vie de piété. La vie en Christ, c'est l'âme la plus puissante. La France dans la sainteté, est-ce que nous sommes engagés à vivre dans la sainteté à tous les moyens, même s'il fallait en campagne? Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Oui, la sœur Julie a une préoccupation. Oui, je parlais par rapport au couple. La sœur qui ne veut pas aller peut-être vivre en campagne. Est-ce que aller aussi vivre en campagne, c'est pas chercher aussi la facilité, parce que c'est dans ce mélange-là, dans tout ce truc-là, on voit exactement si tu as la fermeté ou pas. Oui. Donc tu veux l'appeler par exemple un lâche quoi? Non, je dis pas que lâche, parce que la femme peut-être, enfin moi je suis une femme, je peux mieux la comprendre peut-être, oui. Parce que peut-être elle a ses habitudes et elle sait qu'elle sait Dieu et qu'elle peut tenir ferme. Je comprends, monsieur, c'est par rapport aux enfants. Oui. Je comprends le frère par rapport aux enfants, parce que c'est vrai que les enfants là à la campagne et les enfants en ville, c'est pas la même chose. Oui, oui, toi, à la place de cette femme-là, quel argument donnerais-tu pour pouvoir vivre en ville? La ville a beaucoup, enfin, on a parfois des choses à proximité, parce qu'en campagne, si par exemple, elle n'a pas le permis, et qu'elle doit compter que son monsieur, si n'est pas là, elle fait comment, par exemple? Oui, donc elle peut faire une navette en ville, elle prend ça, elle rentre rapidement là où il n'y a pas le péché tellement. Oui, le frère Willy, tu voulais réagir par rapport à cela? Je crois qu'on a. Allô, du côté de Njamena, est-ce que c'est bon? La connexion est rétablie? Allô, le frère Willy, du côté de Njamena, est-ce que tu as suivi ce que l'intervention de la sœur Julie du champion? Non, pas. Donc la connexion n'est pas bonne avec Njamena. Avec Njamena. Je crois que c'est... Là c'est clair? Non. Là j'entends bien, mais non, ça a coupé là, quand la sœur a parlé. Oui. La sœur, essaie de prendre la position de la femme de notre frère et donne un peu les arguments que tu pourrais présenter pour ne pas venir vivre au Cameroun avec ton mari à toi. Non, pour moi, il n'y a pas de souci parce que je suis mobile à tous les niveaux. Donc, peu importe, si aujourd'hui mon mari, par exemple, décide de rentrer en campagne, j'irai parce que je suis autonome. S'il n'est pas là, avec moi, je n'irai en fait. Ok, en somme, qu'est-ce que tu conseilles à ta soeur qui a des ambiguïtés à aller vivre en campagne? Elle sera considérée en France comme une paysanne? Non, c'est pas par rapport au regard des autres, hein. C'est pas par rapport au regard des autres. C'est sûr, quand la soeur discute avec son mari, elle donne ses arguments, parce que le frère a donné ses arguments à lui, mais il n'a pas donné les arguments de la soeur. Pourquoi elle veut rester? On n'a pas entendu la soeur dire pourquoi elle veut rester en fils. La soeur a déjà dit que son âme, qu'elle ne se sent pas bien à l'aise. Donc, son argument, c'est qu'elle n'est pas à l'aise en campagne. Elle n'est pas à l'aise. Voilà l'argument phare. Est-ce que ça tient? Maintenant, c'est au monsieur d'essayer de convaincre sa femme, parce que si elle aussi, elle va vivre là où elle n'aime pas et qu'elle est mal en point, c'est pas bien possible. Donc, c'est à lui aussi de faire peut-être des navettes pour essayer de montrer les bons côtés de la campagne à sa femme, pour essayer de la convaincre, parce qu'il faut qu'elle soit aussi épanouie là où elle est aussi, c'est sa chrétienté aussi, non? Peut-être désormais, en lui parlant, il faut plus qu'il utilise le mot campagne alors, pour désigner le même lieu. Voilà. Parce que quand elle attend campagne, elle sait les campagnes de l'Afrique. Donc, c'est Yopougon. Oui. La campagne existe toujours comme en ville. On a presque tout. Mais c'est au monsieur maintenant d'essayer de. S'il a déjà une maison là-bas, d'agir qu'il prend le temps en temps avec sa femme, peut-être s'habituer au lieu en fait. Oui. Peut-être après, il peut voir les avantages. Oui. Non, mais ceci dit aussi, il y a les campagnes ici là qui sont pires que certaines villes au pays. Hein. Ça dépend. Pas, hein. Voilà. Les campagnes, laisse tomber. Hein. Il y a des campagnes qui sont moins beaux que mon village. Donc, en fait, la conclusion, c'est que le frère Willy doit encore parler, encore plus en profondeur avec son épouse en mettant cela en prière pour que Dieu le conduise, n'est-ce pas? Exactement. Exactement. Sans prière, parce qu'il faut qu'elle soit épanouie aussi. Oui. Et que toute la famille soit épanouie. Exactement. Alors, justement. Oui. Demander si les enfants sont heureux en ville. Alors, bonne question. Est-ce que pour le moment, les enfants sont heureux, aimeraient être en ville? Il faut demander à ma fille si les enfants sont heureux d'être en ville. Madame, monsieur t'a posé la question. La dame a coupé le micro, elle a dit que les linges, ça se lave en fait. Non, elle est courageuse. Elle est courageuse. Arrête de rire et réponds aux questions. Non, ça crie chez la scène, la fille. En fait, les enfants, on a lancé. Il y en a qui sont contents d'être en ville. Et les plus petits, parce que là, dans un appartement, ils sont contents parce qu'il n'y a pas, je sais comment on appelle, d'espace, il n'y a pas de jardin pour jouer. Donc ça perturbe deux enfants. Mais les autres, ça va. Non. Sur cinq enfants, tu es en train de dire qu'il y en a trois qui sont heureux d'être là où ils sont? Mais chérie, c'est ce qu'ils me disent. Ah d'accord, ok, il n'y a pas de problème. Ok, on passe à d'autres conversations. Donc, ça veut dire qu'en fin de compte, okay. Il vous faut encore la conversation d'abord entre vous, puis en famille entièrement. Et vous pesez le pour et le contre des conséquences futuristes de cela. Pourquoi tu t'énerves? Pourquoi je m'énerve? Laisse tomber, c'est pas le moment. Donc, on a nos enfants qui se sont fait voler les vélos il y a une semaine. Là, tu es en train de dire que c'est génial là où on habite. Tu veux tu n'as même pas l'honnêteté de dire devant les gens pourquoi. Tu passes ton temps à faire quoi? Tu passes ton temps à faire quoi? À part à traîner avec tes copines, tu passes ton temps à faire quoi? Tu peux me dire. Là, vous me faites rire. Le dimanche matin, tout le monde se réunit, tout le monde est à fond en Dieu. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que la vie que tu mènes au quotidien, elle est selon ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut que tu passes ton temps avec des copines? Est-ce que Dieu veut que tu vives là où tu vis parce qu'il y a un supermarché à côté? Pose-toi la question. C'est pas quand nos enfants auront 18 ans qu'il va falloir se poser la question. Absolument. Il faut poser la question maintenant, madame. Non, mais c'est ça qui me fait rire. Parce que moi, ce que je vois là, c'est que demain, je vais partir en enfer parce que en tant que chef de famille, je n'ai pas pris les bonnes décisions. Voilà. Parce que en tant que chef de famille, je n'ai pas dirigé mon enfant vers. Ça n'a rien à voir. Tu plaisantes ou quoi? L'éducation de l'enfant, c'est la manière dont on l'éduque, mais c'est pour lui-même. Et ça, c'est de la maturité, l'enfant. Il faut pas devenir parent et attendre que l'enfant ait 18 ans pour se demander si on est là, dans la bonne conduite. C'est tout. Je suis désolé. On est venu au vide, c'est pas parce que je n'ai pas resté à la campagne. En fait, depuis longtemps, on a toujours été à la campagne. Et cette fois-ci, moi, j'ai décidé de ne plus rester à la campagne parce que c'est très difficile pour moi. Mon mari étant militaire, il est tout le temps parti. Et moi, je me retrouve tout seul avec les enfants. Tout seul avec les enfants, tu n'as personne. Souvent, je me trouve malade, je ne peux plus marcher. Il faut courir pour appeler ceci, cela. Souvent, je faisais venir ma petite sœur depuis en Côte d'Ivoire parce que j'ai personne avec moi. C'est pour ça que j'ai voulu m'avancer en ville. Au moins, je sais que... Ok, ma soeur, là, ça s'est bien positionné. Ça suppose donc que si tu es en campagne avec quelqu'un à côté de toi et que ton mari même voyage pour ses missions, ça ne dérangerait pas parce qu'en réalité, tu dis... C'est parce ça ne me dérange pas. J'ai même dit à mon mari, s'il veut que je reste à la campagne, il arrête ses missions. Parce que moi, tout seul avec 5 enfants, c'est vraiment difficile. Et qu'ils sont petits, ce n'est pas des enfants qui sont grands. C'est de 3 à la grande qui a 14 ans qui est... Ok, donc en... Non, mais moi, ce qui me fait rire, c'est que ma femme est en train de dire aux gens qu'on habite à la campagne. Oui. Donc ça veut dire qu'une ville avec 40 000 habitants, c'est la campagne? Non mais il faut arrêter, il faut arrêter. Oui. Une ville comme Mont-de-Marsan où il y a au moins 40 000 habitants, c'est la campagne? Ah pardon. le frère Willy. Donc... Mais c'est difficile en Europe ici. Oui, la soeur parle. La connexion n'est pas bonne. Vous m'entendez? Oui. C'est pas établi avec Bordeaux. La correction, est-ce que la sœur Flora est là? Son image est figée là. Je ne sais pas si c'est la même chose que vous voyez sur votre écran. Oui, c'est figé. Oui. Donc, la connexion va se rétablir bientôt. Donc, en clair, avant que ton époux... Ça va se rétablir. Voilà, ça reconnecte. Alors, la sœur, la connexion est un peu dérangée chez toi. Donc, en clair... Petit à petit, on commence à comprendre que c'est parce que les conditions de la campagne n'étaient pas réunies pour toi. Donc, si les conditions sont réunies, tu acceptes volontiers aller en campagne, d'après ce que nous sommes en train d'entendre là maintenant. C'est ça, n'est-ce pas? Allô? Voilà. Alors, ça veut dire que c'est monsieur, ça veut dire qu'en fin de compte, la décision revient au monsieur parce que tu lui as donné les conditions pour aller en campagne. Le frère Willy, la balle est dans ton camp, donc par rapport à la campagne, par rapport à la décision pour aller en campagne. La femme dit, elle ne peut pas supporter les 5 enfants seuls en campagne parce qu'il n'y a personne avec qui courir avec les enfants. Donc tu cesses avec tes missions aussi. Parce que pour le moment, tu es au Tchad là, elle est à Bordeaux. Allô, Njamena, c'est bon là? Oui, ça peut vite. La connaissance est bonne? Question juste pour éclaircir. Je voulais partager un peu avec tout le monde, voir si les gens s'étaient posé la question suite à ce qui a été prêché ce matin, se dire, ok, on doit vivre dans une France qui est avec beaucoup de péchés. Et je voulais aborder ce sujet, ok, c'est clair, la France, on sait tous les péchés qu'il y a, on sait toutes les perversités qu'il y a. Est-ce que maintenant, cette idée de... Et je suis parti du problème qu'il peut y avoir avec ma femme, je suis parti de là pour avoir la vie des gens et voir même peut-être faire songer à peut-être certaines personnes du groupe, là, se dire, ah, peut-être que là où on est, effectivement, c'est peut-être pas bon. Et je rappelle que dans la Bible, il est marqué que quand on arrive dans une ville, si on se sent bien, on quitte cette ville et on va à une autre. Donc c'est pas une question de fuite, c'est pas une question de, comme a dit quelqu'un, où est-ce que Dieu veut qu'on soit? Est-ce que Dieu veut qu'on soit là où on est? Et ça, je suis entièrement d'accord. Voilà. Et que dis-tu par rapport, que retortes-tu par rapport à ce que ton épouse a dit tout à l'heure là, en disant que elle ne peut pas supporter la pression des 5 enfants avec toutes ces charges là, que tu l'aides dans cette charge là? Alors, je sais que ma femme a beaucoup de responsabilités et ce n'est pas facile sa vie parce que, comme vous le disiez, il y a 5 enfants et je ne suis pas tout le temps là. Il faut quand même savoir que ma femme a accepté, enfin, m'a demandé de vivre sur Bordeaux. Ça veut dire que même quand je suis en France, même si je suis au bureau, ma famille ne me voit pas le soir. Oui. Parce que ma femme a voulu repartir sur Bordeaux. Oui. Alors qu'à une époque, ma famille habitait à côté de mon travail. Oui. Donc le peu de temps que j'avais, parce que sur 6 mois de l'année, sur un an, je vais peut-être passer que 4-5 mois au bureau. Oui. Et les 4-5 mois, plus les 2 mois de vacances, ça fait au moins 6 mois. C'est-à-dire que quand ma femme a habité à côté de mon travail, les enfants, tous les soirs, ils me voyaient pendant cette période. Aujourd'hui, que je sois en mission, que je sois au bureau, que je sois où que je sois, dès que je suis au travail, je suis loin de mes enfants. C'est-à-dire qu'il faut quand même savoir, parce que j'ai entendu des dames parler et dire « Ah oui, mais bon, la campagne, etc. » Et moi, je vais vous expliquer une chose que personne ne sait. Là, actuellement, ma femme a réclamé de vivre à Bordeaux. Donc, pour lui faire plaisir, par respect, j'ai accepté. Je vous rappelle une chose. La femme doit être auprès de son mari. Absolument. Je n'ai pas obligé à être ma femme, je n'ai pas obligé à avoir 50 ans. Dieu a voulu ça. Maintenant, je rappelle une chose. Ma femme s'est éprise de moi. Peu importe si, peu importe, moi, mon métier, c'est OK. Je travaille à tel endroit. Maintenant, elle dit que je quitte mon métier. Excuse-moi, pourquoi pas? Pour l'instant, je n'ai pas prévu de me quitter. Mais moi, je rappelle une chose. Ma femme s'est éloignée de moi. Oui. Et ça, c'est un paramètre que personne ne peut faire à la fin. Là, il y a des femmes qui parlent. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous avez décidé de vous éloigner de Paris? Ah, mais ça ne peut pas là où tu travailles, ça ne peut pas là où tu habites, moi je peux aller habiter là-bas. Eh bien oui, ce que je disais tout à l'heure, il faut arrêter de se réunir le dimanche, faire les chrétiens, et puis finalement, on en habite tous les jours, on ne le dit pas. Donc, en principe, donc, la femme, d'après la loi, la femme doit suivre son mari, normalement. Mais toi, tu as cédé la main pour lui accorder de monter sur Bordeaux. Ben oui, oui. Oui, moi, ce que j'ai fait là, c'est l'histoire de laisser ma femme et mes enfants loin de moi, que je sois au travail ou en mission. Et maintenant, tu veux à tout prix que la famille soit regroupée en campagne pour être bien. Mais est-ce qu'en campagne, donc, alors ton travail sera proche de la campagne, de là où tu veux aller? Et comme je disais tout à l'heure, avant qu'elle habite là où elle habite, on a habité dans la ville qui s'appelle Mont-de-Marsan. Ok, c'est pas Bordeaux, c'est pas la campagne, c'est une ville. Hein. C'est une ville et mes enfants avaient la chance d'avoir une maison et un jardin. Oui. Les enfants sortaient quand ils voulaient, ils allaient jouer dehors, ils avaient leur vélo, etc. Oui. Aujourd'hui, là où on habite, les enfants n'ont plus de vélo. Oui. Ils se les ont fait voler il y a une semaine. Les enfants n'ont plus de vélo. On ne peut pas les laisser, surtout les petits, aller jouer tout seuls au parc parce qu'on ne sait pas qui c'est qu'ils peuvent croiser. Oui. Et il y a même peut-être eu une histoire sur ma fille qui a 3 ans. Il y aurait peut-être un garçon qui aurait pris des photos en levant sa jupe. Oui. Voilà la vie dans laquelle ma famille vit. Et tout ça, c'est un choix de ma femme. Et là où moi, je suis en défaut, c'est que j'ai respecté le désir de ma femme. Oui. Alors que je suis désolé. Et c'est l'homme qui prend la décision. Oui. Et là, on est dans l'erreur aussi. Donc, c'est pareil. On parlait des péchés, on parlait de la perversité, de l'homosexualité, de la sodomie, du sexe, etc. Vous savez comment on est dans une vie, on est dans un monde. En France, il y a en train de s'empirer. Oui. Il y a un paramètre aussi qu'il faut que je rappelle. On est en train de tout faire pour que la femme soit aussi bien la chef que l'homme. Et ça, c'est pas marqué dans la Bible. Quand on dit il faut faire la parité dans un gouvernement, ça, c'est un piège. On veut faire croire à la femme qu'elle doit être au même niveau que l'homme. Oui. Donc je suis désolé, mais tout le monde a donné son avis. À moi, je pense que c'est mieux la campagne. À moi, je pense que... Mais on devrait conclure par une chose. Toi, Winnie, chef de famille, quelle est ta décision? Bonne question. Comme les autres maris. Je suis 100% d'accord avec toi, Willy. Avant de te passer la parole pour ta décision, j'aimerais signaler ce que tu as signalé tout à l'heure là, en disant, puisqu'il y a la parité du genre, du féminisme qui a pignon sur eux et que maintenant est entré au Parlement européen au point où il y a l'égalité entre l'homme et la femme. Voilà encore une autre loi qui confronte la loi de Dieu et qui vous donne à la femme de la société européenne maintenant d'être l'égal de l'homme, ce qui est contre la parole de Dieu. Mais maintenant, nous, qui sommes de la parole de Dieu, est-ce que nous allons prendre ce que le monde a dit pour nous appliquer et pour confronter notre foyer et livrer notre foyer au désordre? Que non. La parole de Dieu répond que non. Donc, en fin de compte, Willy doit décider où il doit vivre avec sa femme et ses enfants, parce que c'est lui le chef de la famille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Là, maintenant, ça me pousse à poser une autre question aussi. Pour les sœurs qui ont un mari qui n'est pas croyant, et qui soit en campagne, si le chef de la maison aussi décide cette fois-ci d'aller en ville, en plein Paris, pour vivre la vie, que va-t-elle faire? Bonjour, que Dieu vous bénisse, la France dans la sainteté. Je crois qu'on peut prendre un moment maintenant pour se saluer les uns les autres et puis se connaître.